Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 17 août 2022. Voici les grands titres. Le parc national de la Roussisie est menacé par ses riverains de la commune Guéanga qui cherchent du bois de chauffage et y pratiquent la chasse notamment. L'administrateur communal de Lumonge met en garde certains percepteurs de taxes qui ne versent pas sur les comptes de la commune l'argent collecté. Et dans la chronique sur les messages de haine, on parlera du discours ethnicisant alors que l'actualité culturelle sous-régionale est marquée ce mercredi par la mort hier du chanteur rwandais Ivan Buravan. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Approfondir les relations entre la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et celle du Mali, c'est l'une des missions d'une visite de membres de la Commission nationale indépendante malienne ce mercredi au Burundi. Dr Sixte Vigny-Nimuraba, président de la CNIDH, précise que le choix du Burundi est pour partager de l'expérience et approfondir les connaissances en matière des droits de l'homme. Jean-Marie Mayonga. Les membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme malienne ont choisi de visiter la Commission nationale indépendante du Burundi pour approfondir les connaissances dans le domaine du respect des droits de l'homme. Dr Sixte Vigny-Nimuraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, affirme qu'ils vont partager de l'expérience avec leurs confrères. L'objectif visé par cette visite est l'échange d'expériences et nouer un partenariat fructueux avec le but ultime, la consolidation du statut A auquel nos deux institutions sœurs sont accréditées. Notons que la CNIDH du Burundi se réjouit de l'accréditation de la CNIDH du Mali au statut A auquel nous avons contribué depuis le début jusqu'à la fin du processus à travers des conseils et orientations chaque fois que de besoin. C'est ainsi que la CNIDH du Burundi s'est engagée à aider les autres institutions des droits de l'homme pour améliorer leur prestations. Bouaré Aguibou, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Mali, apprécie la qualité des activités menées par la CNDH du Burundi et s'inspire du Burundi. Nous sommes venus par rapport à la qualité de l'institution nationale des droits de l'homme du Burundi. Ce que nous avons surtout apprécié et dont nous voulons nous inspirer, c'est la qualité de coopération qui existe entre la CNDH du Burundi et les plus hautes autorités du Burundi. Ça, c'est très important en droit de l'homme. On appelle cela la diplomatie des droits de l'homme. Vous savez, les INDS, ce ne sont pas des ONG, ce ne sont pas des associations pour crier à tout va. Et dire que c'est un avantage pour les autorités du Burundi que d'avoir une institution qui brille au plan international. Ils ont passé à l'examen avant nous, donc ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Donc il était normal qu'on vienne chez eux pour nous inspirer de tout cela, essayer d'aller dupliquer ça chez nous et espérer que d'autres institutions aussi viendront chez nous pour s'inspirer de ce que nous faisons. Ces membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme malienne, au nombre de 4, vont passer 4 jours en visite au Burundi et arriveront aussi à l'intérieur du pays. Jean-Marie Mayonga, environ une centaine d'enfants en situation de rue ont passé à peu près 10 mois au centre de transit Humura Kiwondo, Sizasonga dans la ville de Gitega avant d'être réinsérés dans leurs familles respectives. Au mois de juillet dernier, le conseil socioculturel du gouverneur de Gitega indique qu'ils ont bénéficié de la formation patriotique et ont appris certains petits métiers. Toutefois, ces enfants se remarquent toujours dans la ville de Gitega, même s'ils sont moins nombreux par rapport à la période antérieure. Gérard Nibigira. Le conseiller du gouverneur de Gitega, chargé des affaires socio-culturelles, Samuel Ninahazwe, dit que durant leur séjour au centre de transit Humura Kiwondo, Sizasonga dans la ville de Gitega, ces enfants ont bénéficié de la formation patriotique et ont appris différents métiers. Dans le registre, on a enregistré à peu près 100 enfants. Et dans ce centre, ces enfants bénéficiaient aussi de l'encadrement, la formation patriotique, mais aussi la formation en rapport avec des petits métiers, notamment la fabrication des savons, la fabrication des beignets aussi, pour que quand il y aura un temps de rentrer chez eux, ils pourront quand même avoir quelque chose qui peut les occuper. Pour éviter leur retour dans la rue et pour combattre le phénomène des enfants de la rue, des réunions ont été organisées, ce qui a coïncidé avec la mesure du gouvernement de retirer de la rue tous les enfants et d'éradiquer la mendicité. Au moment où nous avons organisé la campagne de réinsertion des ex-enfants de la rue, on avait tenu des réunions avec l'administration de Bahat, mais aussi avec les représentants du corps de police, les représentants des associations et des organisations et dans le domaine de la protection de l'enfant, mais aussi avec des églises. L'objectif était pour pouvoir collaborer avec toutes ces structures, pour pouvoir maintenir réellement les enfants réinsérés dans les familles, mais aussi pour pouvoir prévenir ce phénomène des enfants de la rue. La création de ce centre, mais aussi la réinsertion des ex-enfants de la rue qui étaient dans un centre, a coïncidé avec la politique nationale de réinsertion des personnes mendiantes, mais aussi des enfants de la rue. En deux parents, des ex-enfants de la rue se réjouit du bon comportement actuel de leurs enfants. Ils précisent que ces enfants sont désormais polis et aident leurs parents dans différents travaux. Toutefois, les enfants de la rue se remarquent toujours dans la vie de Gitega, mais ils sont moins nombreux par rapport aux jours antérieurs. Ainsi, Sylvain Ndikumagenge, représentant provincial de l'ONG IRC à Gitega, pour laquelle parmi ses objectifs figure le combat contre le phénomène des enfants de la rue, indique que c'est un travail qui nécessite un suivi régulier et un concours de plusieurs intervenants. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Et puisque nous parlons des enfants, plus de 250 enfants bénéficient d'une formation en basketball organisée pendant les vacances par l'Académie Sport for Life, Kazoza. Certains bénéficiaires qui se sont entretenus avec notre reporter se réjouissent des connaissances acquises dans ce sport. Arsène Fouranzima, un des dirigeants de cette académie, dit que le manque de matériel ne leur permet pas d'accueillir beaucoup d'enfants. Mireille Kanyang. Certains enfants en vacances indiquent qu'ils se réjouissent de la formation dispensée par l'Académie Sport for Life Kazoza, comme le témoigne l'une d'entre eux rencontrée au terrain de basketball connu sous le nom du parquet. Je joue, j'aime beaucoup. On fait des pauses des fois et on reprend. Des fois, quand on demande les matchs, ils acceptent. Et quels sont les avantages que tu as ici? Un jour, si un ne sait pas ce qu'on fait, on lui dit. Et s'il est venu en retard, il fait d'abord l'échauffement. Quel est le message que vous donnez à votre parent ou coach? Je les remercierai en lui disant merci de m'avoir amené au basket, je suis très heureuse. Les coachs m'enseignent bien, tout va bien. Arsène Fouranzima, l'un des dirigeants de cette académie, fait savoir qu'à part l'apprentissage du basketball, ses enfants apprennent également à vivre ensemble avec les voisins, tout en précisant que le manque de ballons est l'un des défis pour accueillir beaucoup d'enfants. Nous sommes une académie qui enseigne pendant la période des cours avec des horaires pas très chargés. Mais pendant les vacances, c'est là où nous avons l'opportunité d'accueillir beaucoup plus d'enfants pour pouvoir en faire leur apprendre le basketball et leur inculquer les bases du basketball afin que s'ils peuvent pratiquer ce sport à un niveau plus élevé, ils puissent le faire. Le défi majeur, c'est le défi d'avoir des ballons qui soient adaptés. Par exemple, vous ne pouvez pas apprendre le basketball à un enfant de 14 ans avec le même ballon qu'un enfant de 6 ans. Et les ballons des enfants de 6 ans sont très rares. Ils conseillent aux parents d'amener leurs enfants dans des académies sportives pendant les vacances. L'appel que je pourrais lancer aux parents, c'est d'essayer le basketball, d'essayer ces activités parce que ce sont des activités gratifiantes. En plus du basketball, ils apprennent pas mal de choses qui peuvent les aider dans la vie de tous les jours, comme le pardon, ils se font des amis. En tout cas, je dirais qu'il y a pas mal de choses qu'ils peuvent apprendre. Selon Arsène Fouranzima, l'Académie de basketball Sport for Life Kazoza a commencé à encadrer les enfants en vacances. Cela fait plus de 7 ans qu'ils encadrent plus de 250 enfants. Mireille Kanyang. Certains percepteurs de taxes communales de Rumonge ne versent pas l'argent collecté sur les comptes de la commune. Jérémy Viziman, administrateur communal de Rumonge, qui le dit, prend référence aux deux semaines témoins régulièrement organisées dans cette commune qui affichent un écart d'une somme comprise entre 2 et 6 millions. Il leur demande de se ressaisir à défaut de quoi ils seront systématiquement remplacés comme cela a été déjà le cas pour certains. Jean-Pierre Misako. une semaine témoin pendant laquelle les employés permanents de la commune de Rumonge, appuyés par les chefs de zone et les chefs collinaires, se rendent sur les points de perception des taxes et impôts, y faire eux-mêmes le suivi, montre une nette amélioration des entrées communales de 2 à 6 millions de francs burundais par semaine, selon Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge. Certes, certains de ces percepteurs des taxes et impôts sont responsables du détournement de ces taxes et impôts, mais pas en totalité. L'administrateur communal de Rumonge informe en effet que certaines personnes refusent de payer les taxes à ces percepteurs d'impôts et taxes de par leur rang social, mais que ces personnes s'exécutent en présence des employés permanents de la commune. L'administrateur communal de Rumonge reconnaît que certains des contribuables ont déjà compris le bienfait du paiement des taxes et impôts et demande aux percepteurs de taxes et impôts de s'acquitter convenablement de leur tâche, vu qu'ils sont même payés par rapport aux entrées. S'il s'avère qu'un percepteur est coupable de détournement, il est immédiatement remplacé et cela se fait chaque mois selon l'administrateur communal de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Je vous l'avais dit dans le titre, les habitants de la commune Gihanga frontalière avec le parc national de la Russie menacent ce parc par des actions anthropiques, dont la recherche du bois de chauffage, la chasse et autres. Ces habitants indiquent qu'ils font face au manque d'arbres auxquels ils peuvent se rabattre pour le bois de chauffage. L'administration communale Gihanga est celle en charge de la protection de l'environnement. Abou Banza invite ses habitants à planter leurs arbres dans leur propriété, indiquant qu'il y a ceux qui sont déjà arrêtés. Reportage signé Moïse Misago. Arrivé à la 8e et la 9e transversale de la commune Gihanga de la province Bubanza, l'on observe des gens à majorité des femmes et des enfants qui vont dans le parc national de la Rusizi. Ces habitants de Gihanga disent qu'ils y vont à la recherche du bois de chauffage car, ajoute-t-il, ils ne possèdent pas d'arbres dans leur propriété. À part la recherche du bois de chauffage, il y a ceux qui font la chasse. Pierre Nangourie, un des responsables des éco-gardes, précise qu'ils ont un problème de déplacement pour bien surveiller ce parc national. Il y a des gens qui entrent chercher le bois de chauffage. Il y a aussi ceux qui brûlent. Il n'y a pas le moyen de bien protéger le parc, de bien protéger cette partie de Rukoko. C'est pourquoi, ceux qui sont à proximité du parc, ils entrent et sortent n'importe quand, n'importe comment. Des sensibilisations sont chaque fois organisées à l'intention de la population, selon l'administrateur communal de Gihanga. Léopold Ndaïsaba précise qu'il y a ceux qui sont déjà arrêtés. Nous savons déjà les menaces qui pèsent sur ce parc. C'est entre autres des activités anthropiques. Les activités alors que nous menons dans la protection de ce dernier sont entre autres la sensibilisation de la population, surtout la population riveraine, en passant par les collines. Mais parmi d'autres mesures, il y a des gens qui ont été arrêtés et qui sont au niveau, je dirais, de la justice, afin qu'ils soient sérieusement punis, parce qu'il y a le code forestier qui doit être, je dirais, appliqué. Même s'il y a des éco-gardes chargés de la protection de ce parc, il y a des récalcitrants, déplore le directeur du bureau provincial chargé de la protection de l'environnement à Bubanza, qui informe que des mesures contraignantes ont été prises pour couper court ce comportement. Emmanuel Ndikubagan. Et les agents qui sont chargés de la protection de cette réserve sont des agents d'abord de l'OBPE. L'OBPE, c'est l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Bien sûr, ils ont des agents partout dans la réserve, mais quand même, il y en a, de la population qui passe outre la décision de ces agents de la base et s'y infiltre dans la forêt et nous font des dégâts. Ce parc national de la Rusizi a une superficie de plus de 6 hectares et s'étend sur deux provinces, à savoir la province de Bubanza et celle de Bujumbura, selon les éco-gardes. Moïse Misago, au sein de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, l'on reconnaît la persistance des cas isolés des gens qui continuent à entrer dans ce parc national de la Rusizi. Berkman Seatungimana, directeur général de cet office, précise que l'environnement est protégé à plus de 70%. Radio Isanganiro, chronique éducation. Dans cette chronique, on parle aujourd'hui de l'organisation d'un concours d'éloquence qui suit trois critères, dont la pertinence du sujet par rapport au thème donné. Comme le précise un spécialiste en sociolinguistique et didactique des langues, Dr Pierre Nduingoma, et il l'a dit à Vestine Botoy. Un concours d'éloquence est une sorte d'évaluation des compétences et performances des apprenants dans une telle ou telle autre langue. L'organisation de ce concours exige d'abord un thème central. Selon le spécialiste en sociolinguistique et didactique des langues, cette compétition s'évalue sur base des trois critères. Le premier concerne la pertinence. Dr Pierre Nduingoma précise que le dit critère a trois indicateurs, dont le cadrage par rapport à la thématique donnée. Le premier critère, c'est la pertinence. La pertinence est composée des indicateurs aussi. On doit observer que celui qui vient pour la compétition, on doit vérifier s'il a fait le cadrage de la production par rapport à la thématique. Le deuxième indicateur, c'est que on doit aussi observer la qualité argumentative de celui qui vient pour faire le concours, comment il agence les idées. Le troisième indicateur, c'est l'illustration des arguments par des exemples ou des citations. Ce professeur à l'Université du Burundi ajoute que le deuxième critère se focalise sur la qualité du texte produit par le compétiteur. Il est en effet composé de trois indicateurs, entre autres le choix du champ lexical. Et le deuxième critère, c'est la qualité du texte. Bien que le concours soit fait à l'oral, celui qui fait le concours doit préparer à l'écrit. Et on doit aussi tenir compte de son texte. Quand il parle, on sent qu'il a bien préparé. Il y a des indicateurs sur le style qu'il a utilisé, quel est le registre qu'il utilise, comment il manie la langue, est-ce qu'il manie aisément la langue ou pas. Le deuxième indicateur, c'est le champ lexical qui cadre bien avec le thème donné. Est-ce que parmi le champ lexical qu'il utilise, est-ce que c'est en rapport avec le thème? Est-ce qu'il revient constamment sur les éléments clés du sujet qu'on lui a donné? Le troisième indicateur, c'est la cohérence et la cohésion. Là, on doit tenir compte des connecteurs logiques, comment ils transitent d'une idée à l'autre. Le sociolinguiste et didacticien des langues évoque que le troisième critère est lié à la présentation du discours. Dans cette partie, on analyse plusieurs aspects, dont la diction. Le troisième critère, c'est le critère en rapport avec la présentation du discours. Comment est-ce qu'il va présenter le discours qu'il a préparé? C'est notamment quatre indicateurs. C'est la diction. Par diction, il faut entendre comment il articule, quel est le débit de celui qui présente son texte. Est-ce qu'il prononce bien la langue? On doit tenir compte aussi comme indicateur de la gestuelle. Comment est-ce qu'il présente ses gestes, son attitude devant le public? Dans la prochaine chronique, on vous parlera de l'importance de l'organisation du concours d'éloquence et les conséquences sur les établissements scolaires qui ne font pas cette pratique. Parle, rassure-moi. Le discours ethnicisant vise à remettre en cause l'image de l'autre ethnie. Cela veut dire qu'il défend une composante sociale au détriment de l'autre. Selon Lambert Akouziaremier, socio-anthropologue, le fait de se considérer comme des ennemis freine en quelque sorte les projets de développement dans un pays. Il appelle ainsi les leaders d'opinion à rassembler les gens par l'utilisation des messages pacificateurs pour bâtir ensemble un pays de paix. Francine Diokougaïo. On peut comprendre ce discours qui propage ou qui incite les gens à la haine. Le socio-anthropologue Lambert Akouziaremier parle de ce discours divisionniste qui fortifie les uns et affaiblit les autres. Certains l'utilisent pour amener les membres de leur groupe à haïr l'autre partie. Il y a des individus qui croient avoir une mission historique de fortifier leur ethnie. Alors, dans ce contexte, on voit des gens, au lieu de mobiliser la capacité d'interroger les faits pour avoir une vision un peu logique des choses, ils vont essayer de contourner pour faciliter les choses. Et on voit que, dans ce cas, ils vont emprunter le chemin des discours qui sèment la haine ou qui divisent les gens, juste pour montrer qu'ils sont là pour défendre leur groupe, pour pouvoir faire face à l'autre qui est considéré comme un ennemi. Les auteurs de tels messages de haine les diffusent souvent à travers les réseaux sociaux qui échappent souvent au contrôle du régulateur. Ce sont des idéologies qui sont véhiculées ou qui sont construites quelque part. Alors, dans la sphère publique, si la voie publique par exemple, il y a des gens qui ont la honte de pouvoir s'exprimer ouvertement avec ce genre de discours, mais qui profitent des réseaux sociaux parce que vous voyez que les réseaux sociaux, il y en a ceux qui sont contrôlés et qui sont censurés par les organes habilités, mais la plupart des réseaux sociaux échappent au contrôle des organes habilités pour la censure des informations diffusées. D'après toujours le socio-anthropologue, ces opinions conduisent des fois le pays à des situations catastrophiques qui peuvent entraîner des conflits de masse. Ce genre de discours, ce sont des éléments qui remettent en cause la réconciliation et la cohabitation pacifique. Parce que c'est comme si ce sont des murs qui sont érigés pour empêcher juste la réconciliation entre les différentes composantes de la société burundaise, dis-moi les ethnies comme on le dit. C'est-à-dire, au lieu de considérer le Burundi comme état, une nation où les Burundais sont appelés à vivre ensemble, dans l'harmonie et dans la cohésion sociale, on voit qu'il y a des gens qui se permettent à ériger des murs au lieu de construire des ponts pour unir les gens et assurer une cohabitation tout à fait pacifique pour partager le même avenir. Lambert Akudziyaremye trouve que la population devrait être éduquée à la culture de la paix pour privilégier une cohabitation pacifique. Il faut mobiliser la socialisation des Burundais à la culture de la paix. Parce que c'est dans les esprits que s'installe et s'enracine l'idéologie de la haine. C'est aussi à l'esprit qu'il faut s'adresser pour détruire la culture de la violence. C'est quelque chose que l'individu acquis au niveau des relations qu'il établit avec son environnement social. Donc, il faut essayer de détruire ces liens où se construit ce genre d'idéologie. Ce message va à l'endroit surtout des leaders d'opinion qui sont appelés à utiliser des discours rassembleurs visant l'intérêt de tout le monde. Francine Ndiokouga est en actualité sur régional. La ville de Kinshasa accueille aujourd'hui et demain le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Et c'est le chef de l'État congolais qui sera consacré président de cette organisation sur régional pour l'exercice 2022-2023. Il va remplacer à cette présidence tournante Lazarus Chakwera, le chef de l'État du Malawi. Ce sommet se tient chaque année et réunit les chefs d'État et de gouvernement des 16 États membres de la SADC. Et le musicien rwandais Ivan Buravan est mort à l'âge de 27 ans. Il est décédé en Inde cette nuit, de mardi à mercredi, des suites d'un cancer du pancréas. Il est lauréat du prix Découverte RFI 2018 et c'est le premier artiste rwandais à remporter ce prix depuis sa création en 1980. Son titre Malaika est sorti l'année qui a suivi à 21 ans. Et il est de véritables succès non seulement au Rwanda mais au-delà dans les pays limitrophes. Ses prestations sont acclamées par le public. À l'été 2018, il se produit en Belgique puis au Burundi. C'est dans ce début de carrière qu'il entre dans la famille des artistes qui comptent pour Radio France Internationale. Il devient ainsi le premier artiste rwandais à remporter le prix Découverte depuis sa création en 1981. En avril, il s'est produit à Paris et fait connaissance avec son public européen. Le musicien Ivan Buravan est mort la nuit dernière à l'âge de 27 ans. C'était donc le musicien rwandais Ivan Buravan qui est mort la nuit dernière à l'âge de 27 ans. Dieu et son âme, Isanganiro présente ses condoléances à ses proches. Il est 13h20 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Koubguimana pour la mise en onde. Également, merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco de Wimana. Passez un très bon après-midi.